الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في مقدمة كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وفي الفصل الذي هو بعنوان الدليل على أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بربوبية الله سبحانه وتعالى، ووصلنا إلى قوله وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله، والنذر كله لله، والذبح كله لله، والاستغاثة كلها لله، وجميع أنواع العبادات كلها لله. وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Donc nous sommes toujours dans l'introduction du livre Kashf al-Shubuhat de Cheikh al-Islam al-Mujaddid Mohammed ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alayh, et toujours dans le passage où il nous explique que les associateurs qu'a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam reconnaissaient la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous dit, lorsque tu t'es rendu compte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus afin que l'invocation soit entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nadhru, le vœu, on va expliquer qu'est-ce que cela veut dire, nadhru, kulluhu lillah, wa dhabh, donc le sacrifice, soit entièrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْإِسْتِغَاثَ le fait de demander secours également soit exclusivement pour Allah, et toutes les sortes d'invocations, toutes les sortes d'adorations doivent être exclusivement pour Allah. Donc si tu te rends compte de cela, tu sauras que le fait qu'ils reconnaissent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne les a pas fait entrer dans l'islam, et que le fait qu'ils se dirigeaient vers les anges, vers les prophètes, vers l'awliya, c'est-à-dire les hommes saints, les hommes pieux, en espérant leur intercession pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est cette chose-là qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu licite leur sang et leur argent. Et donc tu sauras également que le tawhid auquel ont appelé les prophètes, donc tu sauras donc quel est le tawhid auquel ont appelé les prophètes et ont refusé donc de suivre les associateurs. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء المشركين كفار قريش حتى يكون الدعاء كله لله. يقول الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a été envoyé pour combattre ces gens-là afin que l'invocation soit entièrement dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah nous dit dans le Coran wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. C'est-à-dire les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Et Allah azza wa jal, il nous dit également dans sourate Al-Ankabut fabtaghu 'inda Allahi ar-rizq. C'est-à-dire recherchez et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il vous donne votre subsistance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre le fait d'invoquer autre qu'Allah. Il nous dit man mata wa yad'u ma'a Allahi niddan dakhala an-nar. Donc dans le Bukhari, il nous dit celui qui meurt en ayant invoqué autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala entrera en enfer. ثم يقول والنذر كله لله. النذر هو أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه به الشرع. كأن يقول الإنسان مثلا إن شفى الله ولدي لأصمن ثلاثة أيام أو لأتصدقن بألف دينار ويقول لأصلين يعني أربع ركعات أو ست ركعات. هذا هو النذر. والنذر إذا التزم به الإنسان وألزم به نفسه يكون واجبا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالوفاء بالنذر واجب, الوفاء بالنذر واجب, ولكن ابتداؤه مكروه. يعني لا يستحب لك أن تنذر يعني أشياء. لماذا؟ لأن كان الناس في الجاهلية يعتقدون أن نذورهم هي التي تجلب الخير. فمثلا إنسان يقول إن شاف الله ولدي لأصمن ثلاثة أيام, فيكتب الله تبارك وتعالى لهذا الولد الشفاء. فالإنسان يعتقد أن الشفاء جاء بسبب النذر. لا, الله عز وجل يعني كتب هذا الشفاء بالنذر أو بدون نذر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم, نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. الذي يعني يجلبه النذر وأنه يخرج المال من يد البخيل. هذه الفائدة الوحيدة. Donc النذر c'est ce qui traduit en français par le vœu. Le vœu c'est le fait de s'imposer une chose autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont imposé. Et en général, les gens ils font cela en espérant un bien. Par exemple, ils disent, si Allah me guérit, ou bien guérit mon père ou ma mère ou mon frère, je jeûnerai 3 jours. Si Allah fait que je trouve un travail, je donnerai 100 euros en sadaqa. Si Allah fait que, par exemple, yani, que je réussisse telle ou telle activité, donc je prierai tant et tant de rak'ah. Si tu t'imposes cette chose-là, c'est une obligation. Car beaucoup de gens, ils font ces choses-là, et à la fin, ils ne respectent pas cela. C'est-à-dire, la guérison arrive, le succès arrive, et ils oublient le vœu qu'ils avaient fait. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, « Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu » Celui qui fait le vœu d'obéir à Allah, qu'il lui obéisse. Et celui qui fait le vœu de lui désobéir, qu'il ne lui désobéisse pas. Qu'est-ce qu'il fait alors? Celui qui fait le vœu de désobéir. Naam. Yukaffir kaffarat liyamin. Il fait donc l'expiation comme lorsque l'on jure et que l'on ne respecte pas la chose sur laquelle on a juré. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite dans surat Al-Ma'idah. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. Donc si on fait le vœu de faire ça, il faut absolument voilà, s'y tenir. C'est une obligation. Mais il n'est pas conseillé de rentrer dans le vœu. Il n'était pas conseillé de le faire. Allah Azza wa Jal, il a vanté les mérites de ceux qui respectent leurs vœux. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhum mustatira. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire des vœux. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an-nadhr wa qala innahu la yati bi khair. Le prophète il a interdit de faire des vœux et il a dit que cela n'apporte aucun bien. Car avant l'islam, les gens, ils avaient une croyance. Ils pensaient que lorsqu'ils faisaient un vœu, cela apportait le bien. Par exemple, s'il dit, si Allah guérit mon fils, je jeûnerai 3 jours. Allah Azzawajal fait que cet enfant est guéri. Et il pense que Allah a guéri cet enfant à cause du vœu. Ou bien qu'Allah t'a donné le succès à cause du vœu que tu as fait de faire une sadaqa. Donc non, Allah Azzawajal a déjà tout écrit. Que tu fasses un vœu ou pas. Il a dit, et le prophète sallam a interdit de faire des nadr. Donc cela n'apporte aucun bien. Le seul bien que ça apporte, c'est que cela permet à la personne avare de faire un don. Parfois il y a une personne qui ne fait jamais de don, il est avare, mais donc il fait le vœu de faire cela, et cela lui oblige, comme on a dit, donc de respecter son vœu. Donc voilà ce que l'on appelle al-nadr. Les gens fil jahiliya, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient des vœux pour leur statuette. Ils faisaient des vœux pour leur statuette, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a montré que cela devait être exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالذَّبْحُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَالذَّبْحُ وَالنُّسُكُ وهو عبادة وقربة لله وهو إراقة الدم تقربا إلى الله تبارك وتعالى وهو من أجل العبادات. قال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر, معناه وانحر لربك, وانحر لربك. Donc Allah dit dans le Coran en ce qui concerne le sacrifice, donc le sacrifice c'est le fait d'immoler un animal en ayant l'intention donc de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des plus grandes adorations. C'est une adoration que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Allah nous dit فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur et immole. Immole donc pour ton Seigneur également et pour personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi hajjati al-wada' نحر كم؟ نعم 63 بدنة وكانت مع 100 إبل وأتم 100 علي بن أبي طالب. معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يكتفي بكبش واحد, أن المتمتع والقارين يكفي كبش واحد, البدنة تكون 7. النبي صلى الله عليه وسلم نحر ما يعني يجزي عن 700 شخص. هذا يدل على النبي صلى الله عليه وسلم فهم أن النحر والذبح عبادة يحبها الله تبارك وتعالى. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a sacrifié pendant le pèlerinage d'Adieu 100 chameaux, 63 de sa main, et le reste c'est Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu qui l'a fait. Pour le pèlerin, il suffit de faire un mouton, ça suffit. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il aimait ce qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait plus. Il a fait 100 chameaux, et un chameau suffit pour 7 pèlerins. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui seul, il a sacrifié ce qui correspond à 700 pèlerins. Car il est permis de faire plus. Un mouton, c'est ce qui est demandé. Mais si on fait plus, cela est encore mieux. Allah dit dans le Coran, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ô Mohammed, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. الْإِسْتِغَاثَ وَطَلَبُ الغوث ويقال ذلك عندما يطلب الإنسان النصرة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Donc l'istighatha, c'est la demande d'aide, mais cette demande d'aide c'est lorsque l'on demande, donc lorsqu'on est dans une situation difficile face à un ennemi et on demande le secours. Donc c'est plus fort que l'isti'ana, c'est plus précis que al-isti'ana. Al-isti'ana, c'est le fait de demander de l'aide. L'istighatha wa talabu al-ghawth. Lorsque l'on demande le secours pour obtenir la victoire. Donc toutes ces choses-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour qu'elles soient exclusivement dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال وعرفت ان اقرارهم بتوحيد الربوبيه لم يدخلهم في الاسلام. ذكرنا ان كفار قريش كانوا يقرون ان الله تبارك وتعالى هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت، ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك ان ذلك لا يكفي حتى يعد الانسان مسلما، لا يكفي، خلافا لما يعتقده كثير من الناس في هذا الزمن. تقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ قل لا خالق إلا الله. طيب هذا كان يقر به كفار قريش ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. Donc tu sauras également que le seul fait que les associateurs croyaient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne les a pas fait rentrer dans l'islam. Donc on avait expliqué dans le cours précédent donc que les associateurs de la Mecque, ils savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui leur donne leur subsistance, c'est lui qui les a fait naître, c'est lui qui les fera mourir. Mais malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a combattus. Donc cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. Et donc cela est insuffisant. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de l'islam. Lorsqu'on leur dit qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils disent ça veut dire il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah ou il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Là, ça suffit pas pour faire que la personne et musulmane. وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم فهم يطلبون من الملائكة ومن الأنبياء ومن الأولياء الشفاعة كما قال الله سبحانه وتعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وسمى الله تبارك وتعالى اتخاذهم هؤلاء شفعاء شرك وعبادة ويعبدون، قال تعالى ويعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc on avait expliqué également dans le cours précédent que donc ils prenaient les anges, l'Auliya, l'Anbiya, comme intercesseur auprès d'Allah. Et que Allah avait appelé cela Ibadah, en disant Waya'budun. Et à la fin du verset, il avait dit Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Qu'Allah soit glorifié au-dessus de ce qu'il lui associe. Et donc, il voulait par cela se rapprocher d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Donc, ils invoquaient les anges, les pieux, les prophètes, afin qu'ils intercèdent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette chose-là, c'est cela qui a rendu licite leur sang et leur bien. Qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Az-Zumar ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Donc ils ont dit nous adorons ces divinités jusqu'à fin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. عرفت حينئذين التوحيد الذي دعات إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Donc tu sais maintenant le tawhid vers lequel a appelé ont appelé les prophètes et qu'ont refusé de suivre les associateurs. Donc c'est très important de comprendre cela parce que beaucoup de musulmans ignorent, donc comme on a dit précédemment, le point de divergence entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. À notre époque, c'est-à-dire 1400 ans après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a encore des gens qui ne savent pas pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu Quraysh. Les gens ils ne savent pas. Donc c'est important de savoir Donc quel était, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il combattu ces gens-là? Pourquoi a-t-il rendu licite leur sang et leur âme et leur bien? Et également, quelle était leur croyance? Donc afin justement d'appeler les gens qui tombent dans l'association et leur rappeler donc la divergence qu'il y avait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple. ثم يقول مقارنة بين أحوال كفار قريش وبعض المنتسبين إلى الإسلام. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور، سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله، والمراد من هذه الكلمة معناها لا مجرد لفظها. والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بتعلق به، والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. فإنه لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك، فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Donc dans ce, après avoir nous avoir montré la croyance des associateurs de la Mecque, il va nous expliquer également que ces mêmes associateurs ont compris ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam désirait d'eux. Donc lorsqu'il leur a dit la qulu la ilaha illallah, ils ont compris ce qu'il désirait d'eux. Mais ils ont refusé de le suivre, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc attesté qu'il n'était pas musulman. Il nous dit, ce tawhid, c'est le sens de la ilaha illallah. Car donc, l'ilah, la divinité, pour eux, c'est celui qui est vers qui on se dirige pour ces choses-là. C'est-à-dire ce qu'il a cité précédemment, c'est-à-dire al-shafa'a ou al-qurba. Donc que ce soit un ange, un prophète, un saint, un arbre, une tombe ou bien même un démon. À partir du moment où tu te diriges vers lui pour qu'il l'intercède ou bien pour qu'il te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu l'as pris comme divinité. Donc les associateurs de la Mecque, c'était pour eux al-ilah. Lorsqu'ils parlaient de ilah, ils ne voulaient pas dire al-khaliqu al-raziqu al-mudabbir. Ils ne voulaient pas dire celui qui a créé, celui qui donne la subsistance, celui qui contrôle toute chose. C'est pour ça lorsqu'ils ont dit aj'al al-alihata ilahan wahida. A-t-il rendu toutes les divinités? Veut-il faire de toutes les divinités une seule? Ils ont employé le mot divinité. Mais est-ce qu'ils pensaient que leurs divinités ont créé les cieux, la terre et leur... Non. Pour eux, c'était celle qui... Leur divinité, c'était ceux vers qui ils se dirigeaient, donc pour l'intercession. Donc, ils savaient que la création, donner la subsistance, cela est seulement et exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils voulaient dire par la divinité, il nous dit ce que les gens appellent à notre époque, c'est-à-dire à son époque, rahimahullah, as-sayyid. Les gens, ils n'employaient plus le mot al-ilah. Ils appellent cela as-sayyid. Et à chaque époque, ils ont des noms différents. Et on avait dit la semaine dernière que l'auteur, rahimahullah, souvent il fait ça dans ses livres. Donc lorsqu'il nous ramène un terme tiré du Coran et de la Sunna, et que les gens, avec le temps, ont changé ce nom-là, il leur dit ce que vous appelez maintenant telle ou telle chose. Il a dit dans le kitab Tawhid, bab al-ruqa wa al-tama'im, wa al-ruqa hiya allati tusamma al-azaim. Afin que les gens comprennent. Donc il leur cite donc le terme qu'ils utilisent. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu pour les appeler au Tawhid, c'est-à-dire la ilaha illallah. Et il les a appelés à la ilaha illallah et son sens, pas le seul fait de le dire. Lorsqu'il leur a dit qulu la ilaha illallah tuflihu, dites la ilaha illallah, vous obtiendrez la victoire. C'est-à-dire dites la ilaha illallah et appliquez ce que cela veut dire. Car le seul fait de prononcer ce mot-là sans le comprendre ne sert strictement à rien. Ce serait comme une parole étrangère que l'on dit. Donc il nous dit ensuite que les mécréants, Juhel, les ignorants, ils savaient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait dire par cela le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'attachement de notre cœur et le fait de mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'en désavouer. Donc lorsqu'il leur a dit qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah, il leur a dit dites la ilaha illallah, ils ont alors dit aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab, veut-il rendre toutes les divinités une seule divinité? Voilà une parole très étonnante. Donc c'est ça le sens de la ilaha illallah, le fait d'adorer une seule divinité qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu sais maintenant que les mécréants ignorants de la Mecque à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient compris cela, il nous dit c'est très étonnant de voir des gens qui prétendent l'islam et ils ignorent le sens de cette parole, le sens de la ilallah, et ils ignorent ce que connaissaient les ignorants mécréants de la Mecque. Certains pensent que la ilaha illallah, c'est le seul fait de le prononcer sans savoir forcément ce que cela veut dire, sans avoir une croyance du cœur de son sens. Et le meilleur d'entre eux, il va te dire la ilaha illallah, ça veut dire la yakhluqu wa la yarzuqu illallah, c'est-à-dire personne ne crée, personne ne donne la subsistance en dehors d'Allah, wa la yudabbiru al-amra illallah, et personne ne contrôle toute chose sauf Allah. Il nous dit ensuite la fala khaira fi rajulin, il n'y a pas de bien dans un homme dont les mécréants ignorants de la Mecque connaissent mieux que lui le sens de la ilaha illallah. إذن يقول هذا هو التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. إذن لما أثبت أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية سيبين لنا أنهم رفضوا توحيد الألوهية وسيبين لنا كذلك أنهم فهموا معنى الألوهية ولكنهم عاندوا وأبوا أن Donc après avoir nous avait expliqué que les associateurs croyaient en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala seul, donc que celui qui crée, que celui qui donne la subsistance, etc., ils ont refusé d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et également, ils ont compris le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ont refusé de le croire, de le suivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu ces gens-là, donc après qu'ils aient compris son message, que le message leur est parvenu. Fayaqul hadha at-tawhid yani tawhid al-uluhiyya. Fa ma'na la ilaha illallah la معبودة لأن الإله بمعنى المعبود كل ما يعبد يسمى إلها من عبد شيئا فقد اتخذه إلها من دون الله الإله بمعنى المعبود إذن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك لا يستحق العبادة إلا الله. كل العبادات، كل العبادات، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر، فقد نقض كلمة لا إله إلا الله. Donc il nous dit, le tawhid auquel a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le sens de la ilaha illallah. Donc il faut comprendre cette parole. Il faut comprendre cette parole, car donc c'est la clé de l'islam. C'est la chose par laquelle la personne rentre dans l'islam. Donc nous avons la ilaha illallah. Le mot ilah veut dire, donc ils traduisent par cela par divinité. La divinité, c'est toute chose qui est adorée. Toute chose qui est adorée, ça s'appelle divinité. Que ce soit un arbre, que ce soit un homme, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, celui qui adore toute chose, c'est sa divinité. D'accord ? Donc lorsque l'on dit, c'est sa divinité et c'est la chose qu'il adore. Donc lorsque l'on dit « La ilaha illallah », cela veut dire que il n'y a aucune chose adorée qui mérite l'adoration en dehors d'Allah. Car donc les choses adorées sont très très nombreuses. Donc il y a des gens qui adorent les anges, d'autres qui adorent les prophètes, d'autres qui adorent des pierres, d'autres qui adorent des statuettes, d'autres qui adorent des arbres. Toutes ces choses-là sont des choses adorées et des divinités. Donc lorsque l'on dit « La ilaha illallah », ça ne veut pas dire « Il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah ». Pourquoi elle n'est pas bonne cette définition ? Hein ? « Tayyib lo qulna la ilaha illallah bi anna la khaliqa illallah ». Hein ? La la la. لو قلنا لا خالق إلا الله لم يكن هناك خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وقومه. Si on disait la ilaha illallah, ça veut dire il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah. Il n'y a plus de divergence entre le prophète صلى الله عليه وسلم et son peuple, car les gens de la Mecque croyaient à cela. Si c'était ça le sens, ça sert à rien de les combattre. Là, donc la ilaha illallah, ça veut dire que aucune chose adorée ne mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le problème justement, que ceux qui donnent comme définition la khaliqa illallah, celui qui croit qu'il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah, la raziqa illallah, toute personne qui croit en cela rentre dans l'islam. Donc pour eux, mushrikou Quraysh sont des musulmans. Et c'est là que lorsque des personnes vont et adorent autre qu'Allah, pour eux ils sont musulmans, du fait qu'ils attestent que Allah Azzawajal, c'est lui le créateur, c'est lui qui donne la subsistance. Non, c'est pas ça le message de l'islam. Ce n'est pas ça le message de l'islam. سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة يعني ذكر أمثلة لما يعبد من دون الله. Donc ensuite il a cité des exemples de tout ce que les gens, certaines personnes adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. فإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Donc ensuite donc il nous réexplique que les associateurs de la Mecque donc reconnaissaient que Allah Azza wa Jal seul c'est lui qui est créé et qui donne la subsistance et qui contrôle toutes choses. Mais le prophète sallam malgré cela est venu pour leur expliquer donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le sens de la ilaha illallah. Et comme on l'a dit, ou bien comme dit l'auteur plutôt, ce n'est pas le seul fait de le dire. Donc cela n'est pas suffisant. Dire la ilaha illallah en ignorant son sens ne fait pas rentrer une personne dans l'islam. La min shurut la ilaha illallah al-ilm. Al-ilm wal-yaqin wal-qabul wal-inqiyad fadri ma aqulu as-sidq wal-ikhlas wal-mahabba. Sabat shurut. Donc parmi le sens, les conditions de la ilaha illallah, le fait de connaître son sens. Celui qui dit la ilaha illallah sans savoir ce que cela veut dire n'est pas considéré comme musulman. Celui qui n'a pas compris que le fait de dire la ilaha illallah implique que la personne n'adore personne en dehors d'Allah n'est pas considéré comme musulman. ثم قال فإذا عرفت أن جهال مكة يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك التلفظ بحروفه من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعاني لا إله إلا الله ذكر أصنافا من الناس مع هذه الكلمة الآن عندنا كلمة لا إله إلا الله الناس أنواع مع هذه الكلمة الصنف الأول من يعرف هذه الكلمة ولكن لا يعمل بها ولا يفرد الله عز وجل بالعبادة وهؤلاء هم كفار قريش هم فهموا هذه الكلمة ولكنهم أبوا أن يفردوا الله تبارك وتعالى بالعبادة هؤلاء هم المشركون فعدم العمل بالتوحيد والبقاء على الشرك أن يجعلهم مشركين طبعا Donc l'auteur rahimahullah à la fin il nous cite les différentes catégories de personnes par rapport à la ilaha illallah. Donc la première catégorie, donc c'est des gens qui comprennent la ilaha illallah, mais qui refusent de mettre cela en pratique. C'est-à-dire qu'ils refusent d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc ceux-là sont comme les associateurs de la Mecque. Donc les associateurs de la Mecque ont compris ce que voulait dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il leur disait « Qulu la ilaha illallah » et ils ont refusé. Et donc à cause de cela, ils sont associateurs. الصنف الثاني من يعتقد أن معنى لا إله إلا الله يعني يكفي أن يقول الإنسان لا إله إلا الله بغض النظر عن اعتقاده وعن عمله يعني من قال لا إله إلا الله فهو مؤمن سواء يعني أشرك بالله تبارك وتعالى في عبادته أو اعتقد في الله تبارك وتعالى يعني كفرا من الناس من يعتقد مع الله تبارك في الله تبارك وتعالى كفرا فهذا كذلك ليس بمسلم هذا كذلك ليس بمسلم وهم يستدلون ب في بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ولكن هناك أحاديث أخر فلو قلنا أن من قال لا إله إلا الله فهو مسلم لصار المنافقون مسلمين لهم كانوا يقولون لا إله إلا الله فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون Donc la deuxième catégorie de personnes sont ceux qui pensent que celui qui dit la ilaha illallah, il est musulman. Quels que soient ses actes et quelle que soit sa croyance, même si il invoque autre qu'Allah, à partir du moment où il dit la ilaha illallah, il est musulman. Même si il a une croyance qui n'est pas conforme à celle de l'islam. Tant qu'il dit la ilaha illallah, il est musulman. Et ça également, c'est une grave erreur. Celui qui dit « La ilaha illallah », en mettant en pratique le tawhid, en croyant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là le musulman. Donc si on a une croyance qui est contraire à l'islam ou des actes contraires à l'islam, et même si on dit la ilaha illallah toute la journée, on n'est pas considéré comme musulman. La preuve à cela, c'est que les hypocrites à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la ilaha illallah. Mais malgré cela, Allah azza wa jalla a dit innal munafiqina fi ad-daraki al-asfali minan nar. Les hypocrites seront au plus bas degré de l'enfer. As-sinfu al-thalith wa huwa awsa'u al-asnaf wa aktharuhum. من يرى أن معنى لا إله إلا الله وما ذكره المصنف أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. La troisième catégorie, c'est ceux qui a cité l'auteur, ceux qui pensent que le sens de la ilaha illallah, c'est nul ne crée, nul ne donne notre subsistance, nul ne contrôle toutes les choses en dehors d'Allah. Donc même si tu invoques autre qu'Allah, pour eux tu es musulman. Pourquoi? Car tu sais que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre et que c'est lui qui te donne la subsistance et c'est lui qui contrôle toutes choses. Al-Musannif rahimahullah fi hadha al-maqta' wasafa al-kuffara bi annahum juhal. Yaqul juhalu al-kuffar. مع أنه قال أنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. فكيف الجواب؟ L'auteur, donc il cite que ces gens-là, ils sont ignorants. Il nous dit جهال الكفار. Et en même temps, il nous dit qu'ils connaissaient le sens de لا إله إلا الله. Donc comment comprendre sa parole? Donc s'ils ont compris, c'est qu'ils ne sont pas جهال. La réponse أنه وصفهم بالجهل ليس لعدم المعرفة لأنهم كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله إنما الجهل لترك العمل بلا إله إلا الله عندما تركوا العمل بلا إله إلا الله وصفوا بالجهل قال الله تبارك وتعالى والذين يعملون السيئات بجهالة الله عز وجل في كثير من المواطن في كتابه يصف المشركين والعصاة بالجهل فكل من عصى الله فهو جاهل كل من عصى الله فهو جاهل. Donc l'auteur, il les a appelés ignorants malgré qu'ils connaissaient le sens de la ilaha illallah. Donc il les a appelés ignorants car ils n'ont pas mis en pratique ce qu'ils connaissaient. Donc Allah dans le Coran, dans plusieurs passages, il nous dit que ceux qui font des péchés par ignorance, ça ne veut pas dire qu'ils ne savent pas que cela est interdit. Là, au contraire, Allah azawajal dans le Coran, il cite que non, toute personne qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala est considérée comme ignorant. Yalladhina ya'maluna as-su'a bijahalatin. Ja'a في سنن الترمذي بإسناد ضعيف سبب نزول لآية سورة أو بداية سورة صاد صاد والقرآن ذي الذكر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرض أبو طالب فجاءته قريش. أبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي طالب مجلس رجل فقام أبو جهل كي يمنعه قال وشكوه إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. قال كلمة واحدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة. قال يا عمي يقول لا إله إلا الله. فقالوا إلها واحدا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. قال فنزل فيهم القرآن صاد والقرآن للذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق إلى قوله ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Donc il est dans Sunan al-Tirmidhi, la cause de révélation du début de Surat Sad, donc que l'auteur a cité, rahimahullah. Sauf que la chaîne de transmission est faible. Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il nous dit que Abu Talib est tombé malade. Et les gens de Quraysh sont venus lui rendre visite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Donc Abu Talib, c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abu Jahl s'est levé pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de visiter. Et donc ils se sont plaints de lui à Abu Talib. C'est alors qu'Abu Talib a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yabna akhi, c'est-à-dire, oh mon neveu, que désires-tu de ton peuple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je désire d'eux qu'ils disent une seule parole. Tadinu lahum biha al-arab, grâce à laquelle tous les arabes vont les suivre. Wa tu'addi ilayhim al-ajam al-jizya, et tous les non-arabes leur donneront le jizya, donc ce que l'on appelle la capitation. C'est comme un impôt. Il lui a dit donc, tu désires d'eux une seule parole. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une seule parole. Et il a dit, ô mon oncle, dis-leur de dire la ilaha illallah. C'est alors qu'ils ont dit ilahan wahidan, une seule divinité, ma sami'na bihadha fil millati al-akhira. Nous n'avons pas entendu cela dans la dernière religion, c'est-à-dire le christianisme. In hadha illa ikhtilaq, ceci n'est qu'une invention. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le début de sourate Sad. Thumma qala, العنوان نعمة الله على عباده بالتوحيد وموجبة عليهم الفرح به والخوف منه. فقال إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. Donc l'auteur il nous dit ensuite, donc si tu sais ce que donc je viens de citer et que tu le comprends, ma'rifata qalb, donc une compréhension venant du cœur, tu comprendras ce qu'est l'association à Allah, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citée dans le Coran en disant Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas que l'on lui associe quelque chose et il pardonne toute autre chose à qui il veut. Et donc tu connaîtras désormais la religion avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous les prophètes du premier jusqu'au dernier. Et tu connaîtras également la religion qu'accepte Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'accepte aucune autre religion autre que celle-ci. Et tu sauras également la situation sur laquelle est la grande majorité des gens et la grande ignorance dans laquelle ils sont tombés. Donc tout ce qu'il a cité, beaucoup de musulmans ne le savent même pas. Faites autour de vous, demandez aux gens, C'était quoi la croyance des gens de Quraysh? Ils ne seront pas. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Quraysh donc, se sont combattus? Ils ne seront pas. Est-ce que les gens de Quraysh ont compris lorsqu'il leur a dit Qoulou la ilaha illallah? Ils ne seront pas. Des gens qui sont musulmans, abadan jit, de père en fils. Donc, en quelques cours, vous avez appris des choses qu'une grande majorité de musulmans ignorent. Et donc cela ramène le musulman à la réalité que les gens ne connaissent pas leur religion. Et donc, en ayant compris toutes ces choses-là, tu sors avec deux points positifs, deux faïdas. La première, donc, le fait que tu sois heureux. Donc, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa miséricorde pour toi. Allah dit dans le Coran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرُوا مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dit par la grâce d'Allah et par sa miséricorde, de cela, ils doivent être heureux. Cela est meilleur que tout ce qu'ils amassent, c'est-à-dire comme bien de ce bas monde. Et également, cela t'apporte une grande crainte, al-khawf al-azim. Car si tu sais que l'homme peut mécroire par une seule parole qu'il prononce par sa langue, alors qu'il peut parfois la dire en étant ignorant, et qu'il n'est pas excusé par son ignorance. Et il peut dire une parole parfois de mécréance en pensant que cette parole le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le faisaient les associateurs. Plus encore, si Allah subhanahu wa ta'ala te fait comprendre donc ce qu'il a cité du peuple de Moussa alayhi salam. Donc malgré qu'ils étaient pieux, qu'ils avaient de la science, ils sont venus voir Moussa en lui disant Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ils ont dit à leur prophète Moussa, donne-nous une divinité comme eux ils ont une divinité. Donc on va expliquer également le verset brièvement. À ce moment-là, ton souci et ta crainte deviennent très grands, afin que donc tu sois libéré de ses croyances et tout ce qui lui ressemble. الآن سيذكر المؤلف رحمه الله فضل التوحيد على الإنسان. فإذا فهم الإنسان رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالة الأنبياء والرسل قبله عليهم السلام فعرف التوحيد معرفة صحيحة وعرف ضده الذي هو الشرك معرفة صحيحة كما قال المؤلف يفيدك ذلك فائدتين. الأول والفرح، الإنسان يفرح بذلك، يفرح أن وفقه الله تبارك وتعالى لمعرفة التوحيد الذي هو دين الأنبياء. فإنسان إذا عرف الإنسان إسلام معرفة صحيحة وعرف ضده وهو الشرك فسبب لك ذلك فرحا عظيما. فإذا حصل لك العلم الصحيح عموما، إذا حصلت علما صحيحا فرحت به، فكيف إذا كان هذا العلم هو أجل العلوم الذي هو التوحيد؟ كذلك تفرح لأنك سليمت من الاعتقاد الباطل الذي وقع فيه غيرك من الناس. والسلامة من الشر والباطل تفرح الإنسان. ثالثا أنك أصبحت من أهل التوحيد ولم تكن من أهل الشرك وعباد غير الله تبارك وتعالى. Donc l'auteur il a dit que lorsque tu as compris toutes ces choses-là, tu dois être heureux. Tu dois être heureux donc d'avoir compris ces choses-là. Car donc premièrement, tu as compris l'islam. Car donc l'islam c'est at-tawhid et rien d'autre. Et donc dès que tu apprends une chose de manière générale, toute connaissance que tu acquis, tu es heureux de l'avoir acquise. Donc ta joie doit être encore plus forte lorsque tu as appris la plus grande des sciences, qui est la science du tawhid et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également, tu dois être heureux car tu as été libéré des fausses croyances. Des fausses croyances et de l'association avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, donc, il est heureux lorsqu'il s'éloigne et est libéré de tout mal et du faux. Également, tu dois être heureux car tu fais partie des gens du tawhid. Tu fais partie des gens du tawhid et tu ne fais pas partie des gens de l'association et de ceux qui adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. فالمسلم حتى يفرح عليه أن يعرف التوحيد وعليه أن يعرف ضده الذي هو الشرك فلا بد من معرفة الأمرين فالإنسان قد يعرف التوحيد ولكن لا يعرف ما يضده فيقع فيه. Donc le musulman, pour être vraiment heureux, il faut qu'il connaisse l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et son contraire. Car des gens parfois donc connaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala mais ne connaissent pas son contraire, ne savent pas toutes les sortes d'adorations qui peuvent faire tomber la personne dans l'association, donc ils tombent dans ce grand péché. Donc il faut connaître les deux, tawhid et shirk, afin vraiment d'être heureux et faire partie des gens du tawhid. وذكر آية وهي قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية تدل على أن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق. ليس هناك ذنب عصي به الله تبارك وتعالى مثل الشرك. ولهذا رب العالمين لا يغفره من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار قطعا. من مات ويشرك بالله شيئا دخل النار. Donc l'auteur il a cité rahimahullah le verset de sourate An-Nisa, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose et il pardonne tous les autres péchés à qui il veut. Donc ce verset nous montre que l'association avec Allah est le pire des péchés. Il n'y a pas de pire péché que d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose. Et il faut que ce soit la croyance du musulman. Car beaucoup de musulmans, ils sont choqués lorsqu'ils voient des péchés. Ils sont choqués lorsqu'ils voient des gens forniquer. Ils sont choqués lorsqu'ils voient des gens consommer par exemple de l'alcool ou bien tuer, etc. Mais lorsqu'ils voient une personne invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur ne ressent pas autant de sensations. Là, il faut que tu sois encore plus choqué lorsque tu vois des gens invoquer autre qu'Allah, des gens sacrifier autre qu'Allah, des gens demander de l'aide à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le pire des péchés. Et c'est le seul péché qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas, contrairement aux autres péchés. Si tu forniques, si tu bois, si tu tues quelqu'un, Allah Azza wa Jal peut te pardonner. La personne donc, si Allah il veut, il te pardonne, ou s'il veut, il pourra te châtier en fonction donc de ton péché. Mais l'association, Allah subhanahu wa ta'ala ne la pardonne pas. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi al-jannah. Celui qui associe à Allah quelque chose, Allah lui interdit le paradis. Lui interdit le paradis, contrairement aux autres péchés. فمن مات مسلما مآله الأخير هو الجنة. Celui qui meurt musulman, il rentrera au paradis. Même s'il rentre en enfer avant, sa destination finale sera le paradis. Il se peut que Allah Azza wa Jalla décide de le châtier pour des péchés qu'il a commis, mais à la fin, ne restent en enfer que les associateurs. Que les associateurs. Donc celui qui meurt en disant là il est l'Allah, dakhala al-jannah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Les ulama rahimahumullah en istadallu bi hadhihi al-aya ala anna ash-shirk la yaghfiruhu Allah tabaraka wa ta'ala akbaruhu wa asgharuhu. Inna Allah azza wa jal atlaqa ash-shirk fa qala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. معنى أن الله تبارك وتعالى لا يغفر شركا به. إن الله تبارك وتعالى لا يغفر شركا به. Donc ce verset, les savants, donc pas tous, mais une grande partie, se sont basés sur ce verset pour dire que Allah tabaraka ne pardonne aucune association, que ce soit de la grande association ou de la petite association. Et donc, celui qui associe Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit grande association ou petite association, Allah azza wa jalla ne lui pardonne pas. Car Allah subhanahu wa ta'ala a cité cela de manière générale. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quelque chose. وما يدل على ذلك قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. عبد الله بن مسعود, pour nous montrer le danger de la petite association, il nous disait: je préfère jurer par Allah en mentant plutôt que de jurer par autre qu'Allah en disant la vérité. Car jurer par autre qu'Allah, c'est de la petite association. Donc il a préféré le mensonge, qui est un grand péché, au fait d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال أفادك فائدتين أولا الفرح بفضل الله ورحمته وهذا هو الفرح المحمود والذي ذكرناه وأفادك أيضا الخوف العظيم فالمسلم إذا فرح بكونه موحدا لا ينبغي عليه أن يغتر وعليه أن يخاف من الشرك من الوقوع في الشرك فين الأطفال فوق عليه أن يخاف من الوقوع في الشرك. تجدون في القرآن الكريم أن الله تبارك وتعالى قص علينا قصة إبراهيم عليه السلام وأثنى عليه بكونه لم يكن من المشركين وكان إبراهيم عليه السلام يدعو ربه أن يجيره من الشرك ومن الوقوع فيه. قال إبراهيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. Donc Ibrahim alayhi salam, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait vanté ses mérites dans le Coran à plusieurs reprises en citant qu'il ne faisait pas partie des associateurs, wa lam yakun min al-mushrikin wa ma kana min al-mushrikin, il a cité dans sourate Ibrahim que un jour il a invoqué Allah azza wa jalla en disant وإذ قال إبراهيم, lorsque Ibrahim a dit رب اجعل هذا البلد آمنا, fais de cet endroit, c'est-à-dire la Mecque, un endroit de paix, وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام, et écarte-moi et mes enfants de l'adoration des idoles. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس, ô mon Seigneur, elles ont égaré beaucoup de gens. Donc Ibrahim alayhi salam, l'anbiya, comme vous le savez, donc sont ma'soumin par rapport au fait de tomber dans le polythéisme, l'association. Donc ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas tomber là-dedans. Malgré cela, Ibrahim alayhi salam donc invoque Allah subhanahu wa ta'ala de l'éloigner de cet énorme péché. يقول سليمان التيمي رحمه الله من يأمن البلاء بعد إبراهيم. C'est-à-dire, qui peut être en sécurité, être sûr de ne pas tomber dans l'association après avoir entendu l'invocation de Ibrahim alayhi salam. Donc le musulman, il est heureux de faire partie des gens du tawhid, mais également il prend garde de ne pas retourner dans l'association sans même s'en rendre compte. فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون. Ensuite, il nous dit plus encore, pourquoi dois-tu prendre crainte de l'association ? Car tu sais que l'homme peut mécroire, passer de l'islam à la mécréance par une seule parole qu'il dit de sa langue. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ جَاهِلٌ. Et il peut même dire cette parole sans savoir que cela est de la mécréance. Il nous dit فَلَا يُعْذَرُ بِالْجَاهِلِ. Cette personne n'est pas excusable par son ignorance. Peut-être parfois il peut dire cette chose-là en pensant que cela le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisaient les associateurs de la Mecque. Lorsqu'ils invoquaient leurs statuettes, les anges, l'anbiya, ils pensaient que cela les rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man a'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Nous les adorons qu'afin qu'ils nous rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر المؤلف هنا ان الانسان قد يقول كلمه كفر ويصبح بسببها كافرا وقد يقولها وهو جاهل يعني لا يعلم ان هذه الكلمه كفرية ولكن قال فلا يعذر بالجهل. المؤلف رحمه الله قد يفهم من كلامه هنا أنه لا يعذر أحدا بالجهل فكل من قال أو فعل الكفر فهو كافر وكل من وقع في الشرك فهو مشرك. والمؤلف رحمه الله له كتب كثيرة ورسائل كثيرة فمن أراد أن يفهم كلام المؤلف رحمه الله عليه أن يجمع كلامه قد يقول شيئا هنا وشيئا هناك وقد يفصل في موطن ويجمل في مكان آخر. فالمؤلف رحمه الله هنا يقول فلا يعذر بالجهل فقد يفهم أنه لا يعذر بالجهل مطلقا. ويقول في رسالة له يقول وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفر بالظن وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا بهتان عظيم يريدون به تنفير الناس عن الله ورسوله. Dans un autre endroit, dans un autre livre, donc une lettre qu'il a écrite, Risala, donc un petit ouvrage, il nous dit ce que citent mes ennemis, que je rends mécréants les gens par bizan, c'est-à-dire en seulement donc en conjecturant, ou bil mouwalet, ou par ceux donc qui sont alliés aux mécréants, ou bien que je rends mécréant l'ignorant, donc vers qui l'argument n'est pas arrivé, il dit cela est un grand mensonge. Ils veulent par cela éloigner les gens d'Allah et de son prophète. Donc à son époque, il a vu des ennemis, comme on a expliqué dans l'introduction. Et ces gens-là disaient que Mohammed ibn Abdel Wahhab rend mécréant tous les gens, les ignorants, même des gens donc dont il n'est pas au courant de ce qu'ils font, bizan, il les rend mécréants. Il dit les gens ont dit cela afin d'éloigner les gens d'Allah et de son prophète. Donc ici, on peut comprendre qu'il ne rend pas mécréant al-jahil, ani au kafir al-jahil. Donc à la fin, il a dit fa hada buhtanun azim. Donc ici, mais à un autre endroit, dans un autre livre plutôt, fait Kitab Durar al-Saniya, il est rapporté une parole de lui, rahimahullah, où il explique clairement qui il rend mécréant, quel ignorant rend-il mécréant et quel ignorant ne rend-il pas mécréant. Il nous dit, rahimahullah, إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية وما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله فلا يتوقف في كفر قائله ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات بعد بلوغ الحجة ووضوح المحجة. Dans un endroit, il nous explique qui rend-il mécréant et de qui ne rend-il pas mécréant. Il nous dit que celui qui fait un acte de mécréance dans des choses très, très précises, donc des points que ne connaissent que très peu de personnes. Par exemple, un sujet scientifique. Certains savants ont attesté que telle chose est de l'association. Donc un sujet très précis. Il dit, celui qui tombe dans cela n'est pas mécréant s'il est ignorant, jusqu'à ce que donc les arguments lui soient exposés. Mais il nous dit que المسائل الظاهرة الجلية, les choses claires, les choses dont tout le monde sait que c'est de l'association, وما يعلم من الدين بالضرورة, les choses claires de la religion que tous les gens connaissent. Il dit à ce moment-là, فلا يتوقف في كفر قائله, à ce moment-là donc l'auteur rahimahullah, il divise les cas dans lesquels les ignorants tombent dans l'association en deux catégories, ce qu'il appelle masail al-khafiya et masail al-zahira, donc les choses précises que peu de gens connaissent. À ce moment-là, il excuse ces gens-là jusqu'à ce qu'ils soient mis au courant. Et il dit, il y a des choses claires que tout le monde connaît. Tout le monde sait que, par exemple, que l'invocation d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est de l'association. Le fait de sacrifier pour autre qu'Allah est de l'association. Ça, ce qu'ils appellent le masail al-zahira. À ce moment-là, pour l'auteur rahimahullah, ces gens-là sont mécréants. Wa yaqulu fi risalatin lahu, إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة. Donc il dit également dans un autre livre, il nous dit, celui pour qui l'argument n'a pas été exposé et que donc on peut excuser pour son ignorance, il nous dit par exemple, c'est la personne qui est nouvellement musulman, un nouveau musulman, donc qui n'est pas au courant des règles de l'islam et tombe par ignorance dans un acte d'association. À ce moment-là, il est ignoré, il est excusé. Waladi nasha'a bi badia, également celui qui a grandi fil badia, à un endroit éloigné de tout. Donc aucune connaissance ne leur est parvenue, également ils sont excusés. Ou bien si c'est comme on a dit précédemment, fi mas'alatin khafiya, dans un sujet donc précis et délicat. Il cite en exemple as-sarf wal 'atf. Donc par exemple, c'est des cas de sorcellerie. As-sarf, c'est pour éloigner la femme de son mari ou bien le mari de sa femme, wal 'atf, c'est pour les rapprocher. Il dit que ça, c'est des choses que tout le monde ne connaît pas. Donc à ce moment-là, il excuse ces gens-là et ne les rend pas mécréants. Il nous dit amma usul ad-din allati wadaha Allah fi kitabi. Quant aux choses de la croyance qu'Allah a citées dans son livre, il nous dit hujjatullah hiya al-Qur'an. L'argument d'Allah, c'est le Coran. Et toute personne donc à qui est parvenu le Coran, les arguments lui ont été exposés. Donc on voulait pas discuter du sujet de l'uzb al-jahl ou pas, c'était seulement pour montrer la position de l'auteur rahimahullah, car il a plusieurs paroles à différents endroits et dans différents livres. Nasallallahu ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.